place où il neigeait, jetait des miettes de pain sur les traces qui s'effaçaient des amours sans lendemain. Des pigeons et des pigeonnes, main dans la main, passaient sans reconnaître personne, bien serrés comme s'ils s'aimaient. Monsieur Dédé est décédé, les oiseaux des places publiques auraient pu intercéder en une manière de supplique. Qu'on entende tout là-haut, au paradis des pigeons, qu'un bon Dieu, bien comme il faut, entende cette chanson. De nos amours qui s'effaçaient.